Et bonjour, vous êtes assez fou et je m'appelle Mathieu Plante. Et je suis Kiwan. Et on va passer 2 heures encore ensemble, comme hier, avec notre émission furtive, secrète et pour fans seulement. Ben oui, comme hier, mais comme aussi à l'avenir, à tous les jours, du lundi au jeudi. Oui, à partir du 8 septembre, c'est Kiwan et moi qui allons animer l'émission du retour Assemblage requis. Et voilà. Ça va être super le fun. Vous allez être habitué d'entendre nos deux voix à cette heure-là, à tous les jours. Oui, on va vous faire entendre plein de bonne musique pendant les 2 prochaines heures, comme on va faire à Assemblage requis. On va vous parler des chroniques qu'on va avoir. On va vous parler des autres émissions quotidiennes qui commencent aussi le 8 septembre. Allez voir le cifou.ca pour quelques informations. Et en plus, pour voir des belles petites photos en haut. Hein, avec nos pubs, tu sais, de nos émissions. Hein. Ouais, des photos, puis d'autres trucs, là, peut-être des vidéos bientôt. je travaille là-dessus, Mathieu, ouais. Activement. Alors, on va commencer ça avec un bon premier bloc musical et on va s'introduire ce bloc avec Chinatown. Oui, la pièce du jazz avec l'apocalypse, c'était dans les palmarès franco, ça, il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Celle-là encore, je crois. Celle-là encore. Ouais. Voici ça tout de suite, à C'est fou 89 ans. FM. Tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance ton héritage américain. Dans la rue c'est différent, ça roule, tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule, poing fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la voie lactée. Ce soir, sorbet carbonisé fond dans l'horizon démentiel, typique à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Dans tous les sens, y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. summer, I was out of my head, but you weren't yourself, you shined a waste of space. But I'm Follow a Pen to the Paper, un classique pour nous, des palmarès anglophones. Ça a été vraiment longtemps sur nos palmarès. Ça fait pas si longtemps que ça. Oui, c'est un groupe de Montréal, puis je les ai vus en spectacle à Oceaga cet été. C'est vraiment un très bon spectacle, pas mal plus wild sur scène que ce que la musique suggère quand on écoute l'album. C'est un album qui a l'air assez tranquille, un espèce de petit ton un peu anglais, presque flegmatique, là, mais sur scène, là, c'est assez, je dirais même que c'est presque trash parlor sur scène. Avant ça, on a entendu The Stills. Oui, The Stills, avec un extrait de leur premier album, Logic Will Break Your Heart, c'était Still in Love Song. Oui, et on a débuté avec Chinatown. Avant de continuer avec le prochain bloc, ben je vous rappelle que vous écoutez Kiwan et Mathieu. Lui, c'est Kiwan, moi, c'est Mathieu. Hein? Enchanté. T'sais. Enchanté. Ah, bonjour. Et c'est nous qui allons animer l'émission Assemblage requis. C'est la nouvelle émission du retour à partir du 8 septembre de 15h à 17h. Et voilà. Et ça va être quoi, cette émission-là, Kiwan? Ben ça va être une émission du retour de type, je dirais, un peu axée sur l'actualité culturelle. On va avoir plein de chroniqueurs qui vont venir nous appuyer, faire leurs chroniques régulièrement tous les jours. Ça va être la musique des palmarès que c'est fou diffuse. Puis il va y avoir des invités, des entrevues, des performances aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner tout de suite qu'un petit peu plus tard dans l'émission, dans environ 45 minutes, aux alentours de 16h, on devrait avoir une entrevue à vous présenter avec le groupe Chien d'Ant, en fait avec Alexandre Jobin du groupe Chien d'Ant, qui vont être en spectacle en fin de semaine. Donc c'est une entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt dans la journée. On vous présente ça aux alentours de 16h tout à l'heure. C'est merveilleux, ça va être tantôt. On continue en musique, on va l'entendre un autre bon bloc de musique. Oui, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Tantôt, il va y avoir du Feathership. C'était mêlant un peu comme façon de dire les choses. Hein. Mais bref, Feathership tantôt, mais on commence ça avec une formation que, crime, ça fait longtemps de ça. Ça me rappelle des souvenirs. C'était vraiment au début quand je suis arrivé, il me semble. Comme un homme libre, hein? Ouais, ça date de 2004, à peu près, 2003-2004, cet album-là. Ça fait plus qu'un an qu'ils annoncent qu'ils vont sortir un nouvel album. Même que j'avais parlé avec Étienne Chan-Kan, qui a parti son projet de Sounds of Sea Animals. Je ne sais pas si tu viens de ce groupe-là, mm-hmm. de ce projet-là. En fait, c'est le projet d'un membre de Comme un homme libre. Puis quand j'avais reçu en entrevue, il y a à peu près un an, presque exactement un an, il m'avait dit que dans la prochaine année, il y avait un album de Comme un homme libre qui s'en viendrait, puis finalement, aucune nouvelle de ça, rien de nouveau pour Comme un homme libre. Donc, on va devoir se contenter du premier EP. Et là, on regarde l'EP, puis tu sais, toutes les tunes sont bonnes là-dessus. Ouais, c'est dur de choisir. Hein? Ouais, laquelle est-ce qu'on va mettre, Kiwan? Ben, vas-y, fais un choix. Ah, oh, c'est moi qui dois choisir. Oh, oui. Oh, on va y aller avec un bon classique des palmarès. Je pense que c'est celle-là qui était sur le palmarès. Voici L'amour entre animaux. Ouh. Ouh, non? T'es pas d'accord avec moi? Non, non, très, très. Ouais, ben, ouais, c'est. La voix de la chanteuse. Vous êtes avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. On est rempli de faits et d'informations vraiment vérifiées. Hein? Jouer de l'eau entre le corps, j'aime l'amour.

Matrick et Grow Up and Blow Away, c'est la pièce titre de leur album, qui s'appelait comme ça aussi, hein, étrangement. Oui, puis hier, sur les ondes que vous écoutez présentement, je disais que Matrick était en spectacle le 17 octobre au Metropolis à Montréal. C'est vrai, je ne l'ai pas toujours menti, vrai. Oui, sauf que le spectacle est complet, il n'y a plus de billets pour le 17, sauf qu'ils ont ajouté une supplémentaire, c'est le 16 octobre, le vendredi juste avant, puis il reste encore des billets. J'ai vérifié hier soir, il y avait encore des billets pour le 16, mais ça a pris, je pense, une semaine de vendre tous les billets pour le 17, donc quand même assez populaire, Matrick, au Québec. C'est grâce à toi que ça a été complet, hein? T'as pris tes billets pour... Ben non, même pas, moi j'en ai pour le 16. J'avais pas encore acheté les miens pour le 17, mais là, j'ai pas pris de chance. Ils sont achetés pour vendredi le 16. T'es tannant, t'es pas un vrai fan. Hein? J'étais pas dans les 2000 meilleurs fans au Québec, apparemment. Bon, ben on aura quelque chose à dire contre toi quand on aura quelque chose à chercher pour dire contre toi. Bref, avant Matrick, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Feathership. Oui, avec la pièce For Once, Feathership, qui est un groupe québécois anglophone, mais avec plein d'artistes québécois qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, qui ont joué avec des artistes connus. Là. C'est un genre de collectif. Qu'on pense à tondeuse pour quelqu'un connu. Ou, c'est ça, exactement. Tes appels, puis ouais. Viens-t'en. Il passe. Vous êtes presque à Assemblage Requis. Ça commence le 8 septembre, entre 15h et 17h. C'est Kiwan et moi qui allons animer ça. Et c'est pour ça, c'est la raison qu'on anime en ce moment ici à C'est Fou. Pour passer de la bonne musique et puis vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Il n'y a pas juste Assemblage Requis, par contre. Mais non, il va y avoir d'autres émissions quotidiennes à partir du 8 septembre. À partir de 7h le matin, même. Ça oui. Commence très tôt, cette heure-là. De 7h à 9h, il va y avoir Marc et Sylvain qui vont animer la pilule du lendemain, une émission d'actualité avec plein de chroniques et de choses de nouvelles, trucs qui se passent dans le monde, tu sais. À Trois-Rivières, surtout, et sur le campus. Ensuite, de 11h à 13h, qu'est-ce qu'il y a? C'est le dîner de cons. Avec Danny Janvier et André Junior Baudet. Et ça, c'est juste complètement stupide, mais on adore ça parce que c'est drôle. Ouais, c'est vraiment bon. C'est même déjà commencé, presque, on pourrait dire. C'est presque comme déjà commencé. Ouais, c'est ça. Ils font des faits divers, ils parlent de nouvelles stupides qui se sont passées ou des trucs comme ça. C'est super le fun. Et puis nous, ben, ça va être de 15h à 17h, Assemblage Requis. Voilà. Voilà. Prochain bloc musical, on va faire un bloc à thème cette fois-ci, un bloc thématique, comme on aime dire. Ben oui, dans le prochain bloc, on va entendre trois artistes, trois groupes qui sont en nomination pour le gala des Gamics. Le deuxième tour de vote, en fait, c'est le seul tour officiel, là, parce que le premier n'est pas vraiment public, mais le vote est commencé. Bref, pour si vous voulez participer au gala des Gamics, si vous voulez avoir votre mot à dire, en fait, vous allez au www.gamics.ca. Vous pouvez voter. Le vote du public compte pour 50%, puis il y a un jury aussi dont le vote va compter pour l'autre 50%. Et puis, c'est ça, les trois groupes qu'on va entendre dans le prochain bloc sont en nomination dans trois catégories différentes. Il va y avoir United Steelworkers of Montreal. Il va y avoir aussi Ben de Garage. Mais on va commencer avec... nos bons amis, très bons amis, je dirais, de Podcast. Oui, qui sont venus nous voir ici à Trois-Rivières il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'est fou, les aime, mais nous les aimons. Donc, on écoute la pièce « L'amour passe au travers le linge ». Vous êtes avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h au 89 FM. C'est fou! C'est fou? C'est-tu fou? On me confirme que c'est fou. Dans tes sacs, j'ai repassé tes vestes par bas, mais non. Pour même peur attendre demain, peur attendre demain. Science connaît d'excellentes histoires de peur pour les enfants. Sont peut-être trop courts, n'en doivent possiblement trop glissants. C'est bon de voir tes cheveux tingales, d'entendre ta voix qui tremble. C'est drôle d'avoir la certitude qu'on va dormir ensemble. J'ai comme une envie soudaine de c'est fou. 89.fm. Ma bouche qui goûte le cendrier. I will spend in hell. United Steel Workers of Montreal. Hein, il y avait un mot presque. Avec Three Hard Knocks, ça vient de leur album Three on the Tree. Assez fou. Oui, avant ça, on avait entendu Ben de Garage et avec Podcast. Puis les trois groupes, comme on le disait tantôt, sont en nomination aux GAMIC. Et allez voter tout de suite. Vous avez jusqu'au 19 septembre pour voter pour les GAMIC au www.gamic.ca. Bonne chance à eux. Hein? Vous écoutez toujours Kéwan et Mathieu jusqu'à 17h. On est avec vous pour une édition spéciale furtive, secrète et complètement underground de la future émission Assemblage requis qui commence le 8 septembre. J'en mets beaucoup. Hein? Très underground, vraiment. Là, j'en mets. Là. En tout cas, on commence le 8 septembre. Ça va de 15h à 17h, du lundi au jeudi, avec Kéwan et moi-même, Mathieu Plante. Oui, et pour l'instant, ce qu'on va faire, on va continuer en musique, n'est-ce pas? T'es d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. On va y aller avec une nouveauté. On a reçu ça cette semaine et en fait, on l'attendait depuis longtemps. Mais oui, on en parlait justement hier. On a fait jouer une pièce extraite du démo hier parce qu'on savait que l'album était lancé, était sorti, mais on ne l'avait pas encore reçu. Mais aujourd'hui, on l'a eu, le nouvel album de Mille Monarques. Donc, on va pouvoir jouer des nouveaux extraits de cet album-là. C'est un album complet, c'est leur premier album complet. Puis ça, justement, hier, on avait passé l'immense larme, puis on disait que c'était la version démo qui était un peu différente. Donc, on va aller écouter la version finale qu'ils ont choisi de mettre sur l'album complet de l'immense larme. Et puis après ça, un petit peu plus tard, tout après, je pense, on va écouter Rouge, qui est la seule pièce sur l'album qui est chantée par une fille. Ah, intéressant! Ça fait changement. On s'en va entendre ça tout de suite. Vous êtes presque à Assemblage requis jusqu'à 17h. Pas encore, t'sais. Pas officiellement. Mais vous êtes assez fous, par exemple. Assez fous pour nous écouter comme ça, underground, secret et furtif. Hein? Free dans la vaste rage.

Mel Monarque avec la pièce Rouge. On a entendu avant ça l'Immense Larme, la version finale de l'Immense Larme. Donc, c'est deux nouvelles pièces qui se retrouvent sur le nouvel album, le premier en fait album de Mel Monarque. Il porte le même nom en fait. C'est ça, c'est un album homonyme, pardon. Oui, l'appellation a changé avec le temps. Ouais, c'est ça. Faut pas dire éponyme ou. Parce que éponyme, ce qu'on m'a dit, la façon que ça fonctionne, c'est que éponyme, ça voudrait dire que le groupe, que quelque chose a donné son nom à la personne. T'sais, mettons, tu dis un album éponyme de Marie-Pierre Arthur, ben, ça voudrait dire que c'est l'album qui a donné son nom à Marie-Pierre Arthur. Fait que l'album okay. a existé avant, puis là, soudainement, elle a choisi le nom Marie-Pierre Arthur. Ok. Comprends-tu? Genre, la source n'est pas la même. Ouais, c'est ça. Donc, homonyme, c'est deux choses l'inverse. Si on voudrait vraiment dire éponyme, il faudrait dire l'inverse. Donc, il faudrait dire. C'est l'artiste éponyme de son album, non, ça devient mal. Ça marche vraiment pas. C'est ça. Donc, on va dire homonyme, finalement. C'est ça. C'est ça. C'est cute. On s'habitue. On aime ça. Donc ça, c'était un nouveau disque qu'on a reçu cette semaine. On va faire ça régulièrement et c'est fou au complet. C'est un peu la mission d'une station comme la nôtre de faire découvrir de nouvelles choses. Mais on va le faire nous aussi. Ben oui, justement, on a reçu un autre album. Là. On est en train de l'écouter tantôt. C'est un nouvel album qu'on a reçu ici, qui est d'un groupe qui s'appelle Kaloun Saloon, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Vous les avez peut-être entendus si vous avez écouté Québec émergent 2008-2009, là, la compilation d'albums de la Sopref, c'est bien ça? Oui, c'est ça, qui est quand même une compilation assez reconnue, en tout cas pour le type de musique qu'on passe ici, mm-hmm. le type de musique qu'on aime, en tout cas, là, nous deux, puis je dirais même presque le type de musique de C'est fou, c'est une compilation assez reconnue. Dont on se fie pas mal généralement là, à cette compilation-là pour déterminer quel artiste va être bon plus tard, parce que c'est des artistes émergents, c'est toujours des artistes qui n'ont pas une très grande visibilité, mm-hmm. dont les albums vont sortir plus tard. Donc là, c'est ça qui arrive finalement. Le groupe Kaloun Saloon avait une pièce sur cette compilation-là. Et là, on reçoit l'album. Et puis, c'est un maxi. Donc, il y a 6 pièces dessus. On l'a écouté un peu quand même, assez pour pouvoir... Le plus qu'on a pu, là. C'est ça, le plus qu'on a pu. Ben, pas méchamment. Non, c'est ça, mais quand même, on n'est pas sûr. Hein? Moi, personnellement, je suis pas sûr de Kaloun Saloon. Je suis pas certain non plus. La pièce qu'il y avait sur la compilation Québec émergent, c'était celle qu'on va entendre dans quelques secondes, de Ta voix partout. Je l'aimais beaucoup, je la trouvais super bonne dans le style, du style country un peu. Oui, c'est ça. Il faut savoir que t'sais, quand même, c'est le style qu'ils font. C'est un style vraiment très country. Mais moi, en tout cas, je pensais que ce groupe-là avait quand même d'autres influences, je sais pas, une petite touche rock ou électro, quelque chose de nouveau qui justifiait, qui se retrouvait sur l'album Québec émergent. On peut s'appeler ça du new country, quelque chose, ouais. C'est du country jeune émergent. Quelque chose de différent, tu sais. Mm. Puis finalement, on se posait la question, où la ligne finalement entre un jeune groupe qui essaie de réinventer son style ou juste un jeune groupe qui fait un vieux son. Un vieux son, parce que ça aurait pu être un nouveau genre de country mélangé avec quelque chose d'autre, puis dire, tu sais, bon, mais ben, c'est différent, puis ça pourrait être une parodie du country comme on le connaît, ça pourrait être un hommage à ça. Mais non, c'est pas mal ça, finalement. Ouais, c'est un album très sérieux. Puis, ouais. C'est bien fait, on peut pas dire que c'est pas un bon album, c'est juste que c'est bizarre comme choix de son. C'est un son, tu sais, qu'ils ont choisi de le faire, puis c'est correct. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le son qu'ils voulaient donner, puis c'est faire quelque chose de très sérieux, comme en spectacle, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils ont vraiment des chapeaux de paille, puis ils jouent sur une botte de foin, ou je sais pas. Mais justement, aussi, on parlait d'un autre groupe. Madame Moustache. Eux, c'est encore plus dur à juger de c'est quoi leur vocation, parce qu'il y a vraiment un côté humoristique dans Madame Moustache. Ouais, c'est vrai. On peut pas le nier, mais en même temps... Le côté féminin vient leur ajouter un petit quelque chose, nouveau genre aussi. Oui, c'est vrai. Mmh. La petite voix là, de la chanteuse, un peu enfantine. Mais en même temps, le style de musique est quand même sérieux. Là. Ils font passer ça sous le couvert un peu de l'humour, avec des paroles un peu niaiseuses. Mais tu sais, la musique est quand même bien construite et est quand même très country. Là. C'est ça, mais c'est bien travaillé. Ils font vraiment ça avec soin. Peut-être, moi je me disais, peut-être qu'ils rajoutaient cette petite pointe humoristique-là parce que ça leur donne une bonne raison de se pousser dans les radios universitaires comme nous. Parce que peut-être qu'en faisant juste du country straight pipe, comme on dit dans le domaine, peut-être que ça passerait pas parce qu'on n'est pas une radio country, mettons. Puis d'autres radios sont de moins en moins country. Ils seraient obligés de vendre leur album, en fait, qui serait en format cassette dans les truck stops du Québec. Ça serait un petit peu plus dur. Aller jouer à l'émission de Viateur Caron. Donc peut-être une façon de se faire accepter. T'sais, en fond, eux autres, ils trippent sur le country, mais ils veulent se faire accepter. Ils font ça un petit peu plus catchy, un petit peu humoristique, puis ça passe mieux. Peut-être. Ça me rappelle un peu Gatineau qui fait du rap, mais en même temps, c'est drôle, puis c'est musicalement intéressant. Donc peut-être qu'ils se gagnent de nouveaux fans, puis peut-être que ces fans-là vont commencer à aimer un petit peu le hip-hop par après. C'est peut-être la même affaire pour le country. Je sais pas. Puis en même temps, les artistes qui choisissent de se mettre un peu en deux chaises comme ça, des fois, c'est une lame à deux tranchants parce qu'en fait, puis justement, je lisais dans le journal Voir la semaine dernière un article qui parlait du festival urbain qui disait qu'il y avait comme deux styles mélangés ensemble, des artistes électro, d'autres hip-hop. Donc, pour ceux qui sont au milieu de la ligne comme Radio mm-hmm. ou Omicron, les vrais fans de hip-hop vont dire « Ah, c'est du électro, on n'aime pas ça. » Les vrais fans d'électro vont dire « C'est du hip-hop, on n'aime pas ça. Ouais. » Donc, finalement, ils sont toujours pris entre deux chaises puis on ne sait plus trop finalement qui aime ça. C'est que tu rétrécis ton public cible. Ben, où tu l'élargis, mais tu vas vraiment pas dans les deux styles que tu représentes. Là. Je pense que tu vas prendre le troisième groupe, finalement. T'sais. C'est pas le groupe des gens qui aiment le hip-hop, mettons, ou le groupe qui aime les électros. C'est troisième. Les autres. C'est créé de tout par le reste, c'est ça. Par le groupe. Hey, c'est une belle discussion qu'on vient d'avoir là, Kiwan. J'aime ça. Oui. On va aller justement entendre du Madame Moustache, mais on va commencer ça avec le nouvel album de Clown Saloon. Donc, c'est un petit bloc country, finalement. On commence avec la pièce Ta voix partout. On chiale bien, mais on en fait jouer un bon bloc country. Celle-là est vraiment... Moi, je l'aime bien. Ah ben, celle-là. Ouais. Sérieusement, la compilation Québec émergent, le procurez-vous-la. C'est vraiment très, très bon. Mm-hmm. Vous êtes assez fou, 89.1. FM. Viens donc dans ma vie, viens voir tout ce que j'ai appris. Je te vois partout. Baguette, c'est pris une dive. J'en ai baguette. L'eau et le pain. dans mon ménage. L'eau dans ton vin, c'est la recette d'un long mariage. Johnny Baguette, je veux t'aimer à la petite semaine. Chaque jour, ça m'éche et on verra où ça nous mène. Johnny Baguette, chaque heure passée sans toi est longue, longue comme un jour sans fin. Bon ménage. L'eau dans ton vin, c'est la recette d'un long mariage. Johnny Baguette, c'est pas une tapette, c'est un boulanger. Johnny Baguette n'a pas encore de fiancé. J'ai besoin de son pain ou le vin pour déjeuner, pour pétrir les désirs secrets que j'ai pour Johnny. Johnny Baguette, le cœur cowboy, le sang indien. Moi c'est Michel, le sang chaud, le cœur dans les mains. Pour Johnny qui se demande bien ce que je disais, j'ai lu chaque matin en pèlerinage perpétuel. Johnny Baguette, je veux t'aimer à la petite semaine. Chaque jour ça m'échappe. Je trouve que sa fin est trop bonne pour, la, pour parler par-dessus. Oui, c'est sur la voix à fin. Là. Mais ça, c'est quand même pas tant country. Là. C'est du non. genre de rock populaire à saveur très country. Je pense que c'est pour ça qu'on aime ça aussi. T'sais. C'est pas aussi typique là, que Kaloum Saloum. Quand même. Mais je m'inclus là-dedans. Je t'inclus là-dedans. Je sais que t'aimes peut-être pas ça tant que ça, là, mais moi, j'aime bien cette pièce-là. Ouais. Au début, je la détestais, sérieusement. Je jouais tout le temps assez fou. Puis là, je me suis demandé, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je l'aime juste parce que je l'ai beaucoup entendu? T'sais. C'est de même des fois qui t'accroche aux radios commerciales. Même qu'ils font, faut être vigilant. Faut se méfier. C'est comme la peste. Non, sans blague, c'était Madame Moustache et c'était très bon avec la pièce Johnny Baguette. J'adore ça. Avant ça, il y a eu Kaloum Saloum et puis c'était un petit bloc country. Oui, là, on va faire une petite pause, mais au retour, on va parler avec... En fait, on va vous présenter l'entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt avec Alexandre Jobin du groupe Chien d'An. Et en plus, on va entendre la musique d'Orange Orange. Oui, un nouvel album, Manum. Restez là, vous êtes avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Et bon, c'est toujours Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Ce n'est pas encore assemblage requis, mais on aime ça intégrer des affaires pour vous agacer parce que vous êtes comme ça, vous aimez ça. Bientôt, ça va être pour de vrai assemblage requis. Il y a même une chanson complète qui fait des affaires de même, c'est vraiment le fun à entendre. Si vous voulez avoir la primeur, l'entendre au complet, la pièce dont vous entendez des petits bouts parfois, ben vous pouvez aller au www.assemblagerequis.com et vous allez entendre ça en intégralité. Il y a des capsules qu'on a fait avant le début de l'émission qui commencent officiellement le 8 septembre. Ça va être de 15h à 17h du lundi au jeudi. Puis ben c'est Kiwan et Mathieu qui vont animer ça. Tout à fait. C'est merveilleux. Maintenant, partie spéciale qu'on a mentionnée tantôt, on a une entrevue avec Chien d'An. Oui, parce que le groupe Chien d'An va être en spectacle ici à Trois-Rivières. C'est demain soir, vendredi le 28 août. C'est au Charlot, aux alentours de 20h. Et puis, c'est ça, on a parlé avec Alexandre Jobin, le chanteur, auteur, compositeur du groupe. Donc, on va vous présenter ça dans quelques minutes, juste le temps d'aller écouter une pièce du premier album, parce qu'ils ont lancé un nouvel album récemment au cours de l'été, mais on l'a pas reçu encore. On n'a pas de nouvelles pièces. Ouais, c'est dommage, mais on n'a pas reçu encore l'album. Donc, On va passer des pièces du premier album qui est très bon. On va écouter la pièce Fil conducteur. Pitch noir, soirée de novembre. Un café, un joint, antichambre. Je sais pas pourquoi la lune non plus. Mais je flashback jusqu'à toi. Et le chat ne sourit plus. Est-ce que les photos pourraient retrouver le cachet des soirées d'un passé pas trop tranquille? Derrière moi, tout est vague. Je demande à l'horizon de renouer le fil. Quand t'as juré que t'étais correct, que c'est pas la route qui t'a fait. Et tu te sentais de bonne humeur. On a ri quand t'as dit j'file conducteur. Et toi les nuits de juin et moustiques, pambis fait les aides folle musique. La fille à côté de toi sourit et elle périt dedans tes yeux. Y'a des rochers aussi vrais que l'agonie. T'étais sceptique pis moi je reste peureux. Choucroute d'épaule, un chou de tôle lancé dans notre gang de célibataires. Il a atterri avec un grand bang et on l'a regardé s'enfoncer en terre. Juré que t'étais correct, que c'est pas la route qui t'a fait. Et que tu te sentais de bonne humeur. On a ri quand t'as dit j'file le conducteur. C'est une histoire d'amnésie ivre ou de mémoire sélective. Moi-même des fois j'en manque. Je suis chanceux, je suis encore debout. C'est une histoire de véhicule. L'insouciance à l'intérieur d'une bulle. Fuck le garde-fou, fuck l'antidémarreur. Fuck la ligne blanche, fuck le fil conducteur. On tue la mort, on la parade en corbillard. On s'échauffe en perdant le Donc, c'est la pièce Fil conducteur du groupe Chiana qu'on vient d'entendre. Ça date de leur premier album qui était homonyme. Et comme je le disais tantôt, bien, on a reçu Alexandre Jobin, le chanteur du groupe, un peu plus tôt. Puis on lui a posé quelques questions. J'ai commencé en lui demandant de parler un peu du groupe parce que le groupe n'est pas si connu ici. On n'en a pas tant joué. On ne connaît pas trop le groupe finalement. Donc, je lui ai demandé de faire une petite biographie du groupe. On a commencé, on s'est rencontrés en fait à l'Apocatière en 1998. On vivait dans une maison de chambre. Je suis arrivé là comme par hasard en fait, entre deux jobs. Puis là, j'ai rencontré Nathaël qui était l'ancien autre chanteur et guitariste du groupe. sur le premier album. Il y avait aussi Dominique Grégoire à la basse qui était là dans la même maison de chambre. Fait que on a commencé à jammer pendant les parties puis tout. Puis l'étincelle a mis le feu au foin, puis on s'est mis à faire des shows un peu partout, là, d'un party étudiant, puis d'un petit bar à la Pocatière. Puis un an plus tard, ben Jonathan Audette, il s'est joint à nous autres avec son drum, puis la boucle était bouclée. Là, on s'est mis à participer à des concours, puis à aller jouer un peu partout dans la province à partir de là. Puis à ce moment-là, on s'appelait TVD. OK. On avait... C'était notre nom de départ. On a enregistré un démo sous ce nom-là, Rimouski, en 2000, je pense, ouais. Puis c'est ça, après ça, juste avant le deuxième album, le premier album, on a changé de nom pour Chien Dent en 2003. Donc voilà, ce premier album qui était sorti en 2003 avait un son pas mal folk. Puis étant donné qu'on n'a pas encore entendu le deuxième, je vous demandais quel est le son du deuxième album par rapport au premier. Ben, il y a quand même une certaine continuité, mais je dirais qu'on a évolué un peu. Premièrement, Nathaël est plus là, qui composait 50% de la musique, puis chantait 50% des tunes. C'est que c'est pas mal tout moi qui fais la base des tunes, puis après ça, on arrange ça en trio, puis c'est un peu un album pour refléter l'énergie du live, en fait, là, où ça brasse un petit peu plus que... Un tantinet plus que sur le premier disque qui était vraiment à saveur plus folk, là, mais, sauf pour quelques chansons. C'est un disque compact, en fait. Il dure 36 minutes, je pense, puis il y a 10-11 tunes dessus. Puis c'est vraiment quoi qui est plus cru, mais qui s'en va quand même dans une direction atmosphérique par moment, puis... Ça reflète bien notre show, en fait, là. Même si c'est arrangé pour... c'est bien habillé comme un vrai disque. Là. Donc, ensuite, j'ai demandé si ils avaient vraiment gardé le côté folk ou si ça en allait plus vers un côté rock. Oui, ben il y a une tune qui s'appelle Stupide Mélodie, entre autres, là, que c'est carrément folk, là, même quasiment plus que n'importe quel autre qui était sur notre premier disque. Okay. Avec de l'harmonica et tout, puis c'est une petite histoire, en fait, qui est racontée là-dedans. Puis il y en a d'autres aussi, des balades où il y a beaucoup de guitare acoustique. Puis le son de bois est encore là. Moi, je joue pratiquement toutes les chansons avec une guitare acoustique branchée dans toute une gamme d'effets. Là, mais okay. ça conserve un son bien de chez nous, là, de quoi qui est un petit peu moins cristallin qu'une guitare électrique. J'ai ensuite demandé au chanteur de Chien Dent s'ils avaient l'intention de faire tourner un peu cet album-là maintenant qu'il est sorti, s'ils avaient l'intention de faire des spectacles avec le groupe Chien Dent. Oui, ben on en a fait une cet été, une sorte de mini-tournée de lancement. On est allé à des endroits où on n'était jamais allé avant. Saguenay, entre autres, là, c'était vraiment une première pour nous autres. On est allé aussi un peu en Gaspésie, évidemment, les Montréal, Sherbrooke, Québec, là, inévitablement. Puis c'était vraiment trippant, puis on a rencontré tout plein de belles personnes un peu partout. Là. Ça nous a boosté. Là. On s'enligne pour se monter une tournée un peu plus d'envergure là, pour automne, hiver, printemps. Donc finalement, ils n'avaient pas tant joué ensemble, en tout cas pas fait tant de tournées avant la sortie de cet album-là, donc je leur demandais si le fait d'avoir joué beaucoup comme ça récemment, ils ont joué pas mal ensemble, je leur demandais si le son sur scène évoluait, puis de quoi ça avait l'air en fait là, sur scène. Ben, ça fait longtemps qu'on cherche une sorte d'équilibre, parce que tu sais, on n'est pas un groupe qui... On a comme plusieurs cordes à notre arc musical, là, sans prétention. Là. On aime beaucoup de styles de musique, puis c'était vraiment une sorte de prise de tête pour essayer de monter un show qui fonctionne bien. On l'a quand même assez bien rodé, puis on a pas mal trouvé ce qu'on voulait, comment on voulait présenter notre matériel là, à travers ces spectacles-là. Donc, j'ai ensuite demandé à Alexandre, pour ceux qui iront voir le spectacle vendredi, à quoi s'attendre? Ben, c'est du gros fun, une balloune plus introspective, puis le party pour la fin. Donc finalement, pour ceux qui voudraient entendre des nouvelles pièces ou entendre le nouvel album, étant donné que nous, on peut pas vous en proposer tout de suite, là, ça va venir sous peu, mais bon, pour aujourd'hui, on n'en avait pas. Donc, je voulais savoir comment faire pour se procurer l'album, si l'album était distribué, puis comment on pouvait les rejoindre. Pour l'instant, il est autodistribué. Il s'intitule d'ailleurs « Joindre les deux bouts ». Puis pour les auditeurs curieux, vous pouvez entendre toutes les tunes dans leur intégralité en streaming sur notre site web chiendent.com. Puis il y a aussi notre MySpace où il y a des chansons qui ont sorti seulement sur des compiles qui sont présentées là. Donc, tendez l'oreille, on est sur Internet. Donc voilà, si vous voulez vraiment tendre l'oreille, plus particulièrement aller les entendre live, ben c'est demain soir, vendredi le 28 août, c'est au Charlot ici à Trois-Rivières et c'est aux alentours de 20h. Mais là pour l'instant, gardez l'oreille sur votre radio parce qu'il y a une pièce de Chiendent qui va jouer dedans. Oui, c'est ça, c'est toujours extrait du premier album, c'est une pièce qui s'appelle « Je t'aime avant l'hiver ». Vous êtes avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Plus tard de réchauffer à mon tour. Tu fais des pots de sauce à spag. Je roule des battes avec du zigzag. Le jardin dans le congélateur. De crever de faim, moi j'ai pas peur. Je vais te manger. Je t'aime. De réchauffer à mon tour. C'est l'hiver dans très proche bateau. Le chômage, le goût de faire des flots. Entends-tu le vent qui gratte les vitres? C'est là qu'il faut vivre un peu moins vite. Hiverne avec moi que je t'aime. Je t'aime. Avec la pièce « Je t'aime avant l'hiver ». Vous êtes assez fou 89 FM, c'est Kiwan et Mathieu qui vous tiennent compagnie jusqu'à 17h. Et cette semaine, aujourd'hui et hier, on fait quelque chose de bien spécial avec vous. Oui, Bof, c'est ben, pas particulièrement c'est spécial. Là, mais... C'est juste un genre d'avant-goût de ce qui s'en vient à Assemblage Requis, l'émission qu'on va animer à partir du 8 septembre de 15h à 17h. Ça ressemblait pas mal à ça, finalement. Ajouter des chroniques, puis ouais. Plus de contenu. Plus, hein? Ouais, plus de tightness. Ouais, c'est ça, on va être plus serré l'un contre l'autre. Plus efficace, je sais pas. Ouais. On va se coller plus à l'avenir. Ça va être super le fun. On va aussi avoir un beau petit enrobage là, qui va commencer donc le 8 septembre avec Valès Pariétaire qu'on aime beaucoup. T'sais. On a hâte, on a tellement hâte de l'utiliser. Là, on faut vraiment s'en retenir pour pas toujours jouer nos pièces, notre enrobage musical de Vanessa, mais bon, on peut encore se retenir un peu. Kiwan m'a attaché les mains après ma chaise, fait que je peux pas faire grand chose, vous voyez le genre. ça avait vraiment l'air croche. On va continuer avec un beau petit bloc musical, hein, Kiwan. Il y a quelque chose de spécial. Ben oui, parce qu'en fin de semaine, une autre suggestion de sortie, si vous n'avez pas la chance d'aller voir Chien Dent vendredi soir au Charlot, ben samedi, dans un drôle d'endroit, je pense que j'ai jamais entendu parler de spectacle qui avait lieu là, en tout cas pas de spectacle qui retenait mon attention, c'est au bar Le Paradoxe à Trois-Rivières. Peut-être que vous savez pas c'est où, si vous êtes un auditeur de C'est fou, là, ça se peut que vous soyez pas... que vous fréquentiez pas régulièrement. Le Paradoxe, c'est un petit bar là, qui est sur la rue Sainte-Marguerite, tout près de l'autoroute. Là. Puis, ben, j'ai absolument rien contre Le Paradoxe. Là. Je peux avoir l'air de dire quelque chose de bizarre. Là. Non, c'est pas négatif. C'est juste que c'est un endroit où j'aurais jamais pensé aller. Mais je vais peut-être y aller samedi pour aller voir La Question, parce que c'est ça, c'est le groupe qu'on va entendre dans le prochain bloc. La Question qui a été dans le palmarès il y a pas très longtemps, en fait. Assez récemment, là, dans les dernières semaines, on avait une pièce de La Question qui était dans les palmarès. Puis c'est ça, ils vont être en spectacle avec Les Connards à l'Orange. C'est samedi le 29 août au bar Le Paradoxe. Mais avant ça, on s'en va entendre Chocolat, voici Piano élégant. Vous êtes assez fous, 89.fm, c'est la radio campus de Trois. Je joue du piano élégant Une dernière fois pour aujourd'hui, je le mettais. J'ai pas le choix. Vous êtes toujours avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h et on se prépare à Assemblage Requis qui commence le 8 septembre. Ça s'en vient, là. Hein? C'est bientôt, c'est bientôt, ça. C'est bientôt, dans Mathieu. Quelques petits jours. Je te sens impatient, là. C'est incroyable. I'm impatient. Ouais. Kiwan. On passe de la musique, on fait des affaires le fun. On discute et on passe des entrevues qu'on a fait. Hein, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Puis ça ressemblait à ça à partir du 8, mais on prend un peu d'avance. C'est avec plus de trucs autour, tu sais, de la viande, puis des chroniqueurs. Hein, de la chair de chroniqueurs. Oui. Mais pour l'instant, on a quand même quelques trucs intéressants encore à venir, même dans la dernière demi-heure de l'émission. On a une nouveauté musicale. De Orange Orange. Un petit peu plus tard, ça, dans l'émission, avant la fin de l'émission. Ouais, c'est ça, un nouvel album de Orange Orange qui est sorti cette semaine, le 25 août. Puis c'est ça, on a des nouvelles pièces parce que la pièce Et je pleure, qui a beaucoup joué ici, qui est vraiment bonne, qui se retrouvait elle aussi sur la compilation Québec émergent. On en a des nouvelles, donc mm-hmm. Ça c'est dans la prochaine demi-heure, nouvelle pièce de Orange Orange. Mais pour l'instant, on en parlait tantôt qu'ils étaient en spectacle au Paradoxe. La question. Tout de suite, voici Et moi. Vous êtes au 89 FM, c'est fou. Porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard quand je te croise, ton regard prend froid. Drain sur le bord de boucher pour Le nom est Jus de garçon de leur album Fais-le toi-même. Ah, c'est fou 89. Ouais. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes toujours avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. On le dira jamais assez. On se termine ça à 17h ce soir. Mais, par contre, on continue à partir du 8 septembre. Sinon, on le dira jamais assez, je pense. Non, je pense qu'on va dire à chaque fois qu'on va parler en ondes aujourd'hui, parce que c'est un peu le but de l'émission, c'est d'annoncer Assemblage requis. C'est de la propagande, en fait. C'est précisément ça qu'on fait. Ah, on aime ça, parler de nous-mêmes, hein? Ben oui, puis vous autres aussi, vous aimez ça, parce qu'on vous fait en même temps profiter de primeurs, de nouveautés, comme on va faire dans les prochaines secondes. Avec un extrait d'Orange Orange qu'on promet depuis un bout là, dans l'émission. Hein? Depuis le début de l'émission, on vous dit qu'on va vous faire passer une nouvelle pièce d'Orange Orange. C'est maintenant qu'on l'écoute. C'est extrait de leur nouvel album, qui, je crois, est homonyme lui aussi. Puis c'est ça, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Orange Orange, c'est une formation, un duo, en fait, électro, dont on fait entre autres partie Dom Amel du groupe Gatineau. OK. Okay. Puis ça, c'est un gars et une fille. Et puis on les connaît de leur pièce Et je pleure, qui joue régulièrement ici. Maintenant, voici Montréal à moi. Tout de suite. Au 89.1 FM, parce que vous êtes assez fous pour les mériter. C'est pas le nouveau slogan, c'est ça. Ça veut rien dire, finalement. Oh, 011 à C'est fou 89.1 FM. Hein? C'est le fun avec 011 puis 89.1, ça fait tête au bout. Trop de chiffres. C'est la pièce Clark et Park, Mingo l'Indien remix. On vient tout juste de recevoir ça. C'est pas la première fois qu'on entend un remix ou cette pièce-là, Clark et Park. Disons que c'est devenu... un hymne presque de C'est fou. Ouais, on sort régulièrement du matériel de 01, mais toujours au compte-gouttes. Hein. C'est toujours des simples ou des... Ouais, ou des remixes de Clark et Park. Ouais. Il aime ça faire un remix de cette pièce-là. C'est toujours très bon. On passe toujours quand même ce qu'on reçoit de 01. Parce qu'on aime ça. Puis faut passer ce qu'on aime ici à C'est fou. C'est un peu l'objectif de la chose. Hein? Hein? Mais dans la vie, Mathieu, il faut faire ce qu'on aime. C'est ça. Ben, c'est donc bien dit, ça. C'est de la philosophie, ce que tu fais. C'est déjà presque la fin de notre émission. On termine à 17h dans cette édition furtive, secrète, underground et complètement cachée et inconnue de Kiwan et Mathieu. On commence le 8 septembre, nous, l'émission Assemblage requis de 15h à 17h dans cette case horaire du lundi au jeudi. Ce qui jouerait normalement en ce moment, pour ceux qui sont au courant de la programmation, c'est les palmarès C'est fou en rediffusion. Et ça, ben nous, on va être là demain soir à 17h. Ou sinon, ce qui jouerait à TVA, ce serait Les Feux de l'amour, mais vous êtes à la radio, là, pas à la télé. C'est vrai. Peut-être qu'on vous parlera à un moment donné de... Peut-être. Il faut vous tenir au courant. Moi, je connais rien à ça. Alors, ce que c'est pas Les Feux de l'amour, c'est Top Model. Bon. C'est... Kiwan, tu viens de te mettre à dos une bonne partie de notre population. Ouais, vraiment. On va continuer ça avec la formation, si je comprends bien, à Rara Riot. Oui, Rara Riot, un groupe que j'aime beaucoup. C'est fun à dire, dis-le comme ça, Rara Riot. Moi, je suis là avec mes airs roulés. Rara Riot. C'est super la fun, on va écouter la pièce... Chill. On va écouter la pièce Run My Mouth de Rara Riot. Boy. Vous êtes assez fous. I don't have time to think of how you are. Rara Riot et la pièce Run My Mouth. Je trouve tellement que c'est un album automnal, celui-là. Trouves-tu que des fois, il y a des albums qui sont faits pour une saison? Oui, c'est vrai. Celui-là, en tout cas, c'en est un, je trouve, automnal pour moi. Puis le nouvel album de Obijou, là qu'on a commencé à écouter hier, qu'on a commencé à diffuser hier, là, où ça va être tout qu'un album d'automne pour l'automne 2009. On va s'en repasser, ça c'est certain, à Assemblage requis à partir du 8 septembre. Eh oui, ça fait juste commencer aussi cette émission-là, donc on a le temps en masse de passer plein d'affaires. Nous, ce qui est ici, c'est la fin de cette émission furtive, secrète et autres qualificatifs qui veut dire que ça n'existe pas vraiment et que vous n'avez pas vraiment entendu cette émission-là à la radio. Hein? Donc voilà. Voilà, passez une superbe fin de semaine. En fait, nous, on se retrouve vendredi soir demain en direct de 17h à 20h pour les Palmarès C'est fou. Et Kiwan va rester pour la dernière porte à gauche après. Et sinon, on se retrouve du lundi au jeudi pour Assemblage requis. À 15h le lundi 8 septembre, allez voir assemblagerequis.com pour toutes les pièces qui ont joué aujourd'hui et tout le contenu et la balado-diffusion. Et puis, ben, bye bye, Kiwan. Et on se laisse, Mathieu, avec Radiohead. C'est un petit classique de Radiohead.